nos chambres de feuillage en alliés ont changé. L'arbre fut notre chiffre est mort ou renversé. Nos roses dans l'enclos ont été ravagées par les petits enfants qui sautent le fossé. Un mur clos la fontaine où, par l'heure échauffée, folâtre, elle buvait en descendant des bois. Elle prenait de l'eau dans sa main, douce fée, et laissait retomber des perles de ses doigts. On a pavé la route, âpre et mal aplanie, où dans le sable pur se dessinant si bien, et de sa petitesse étalant l'ironie, son pied charmant semblait rire à côté du mien. La borne du chemin, qui vit des jours sans nombre, où jadis pour m'entendre elle aimait à s'asseoir, s'est usée en heurtant, lorsque la route est sombre, les grands chars gémissants qui reviennent le soir. La forêt ici manque, et là s'est agrandie. De tout ce qui fut nous, presque rien n'est vivant. Et comme un tas de cendres éteintes et refroidies, l'amas des souvenirs se disperse à tout vent. N'existons-nous donc plus? Avons-nous eu notre heure? Rien ne la rendra-t-il à nos cris superflus? L'air joue avec la branche au moment où je pleure. Ma maison me regarde et ne me connaît plus. Dieu nous prête un moment, les prés et les fontaines, les grands bois frissonnants, les rocs profonds et sourds, et les cieux azurés, et les lacs et les plaines, pour y mettre nos cœurs, nos rêves, nos amours. Puis, il nous les retire. Il souffle notre flamme. Il plonge dans la nuit l'antre où nous rayonnons, et dit à la vallée, où s'imprima notre âme, d'effacer notre trace et d'oublier nos noms. Eh bien, oubliez-nous, maison, jardin, ombrage, herbe, use notre seuil, ronce, cache nos pas, chantez, oiseaux, ruisseaux, coulez, croissez, feuillage, ceux que vous oubliez ne vous oublieront pas. Car vous êtes pour nous l'ombre de l'amour même, vous êtes l'oasis qu'on rencontre en chemin, vous êtes, au vallon, la retraite suprême où nous avons pleuré, nous tenant par la main. Toutes les passions s'éloignent avec l'âge, l'une en portant son masque et l'autre son couteau. Comme un essaim chantant d'histrions en voyage, dont le groupe décroît derrière le coteau. Mais toi, rien ne t'efface, amour, toi qui nous charmes. Toi qui torches au flambeau, lui dans notre brouillard. Tu nous tiens par la joie et surtout par les larmes. Jeune homme, on te maudit, on t'adore, vieillard. Dans ces jours où la tête, au poids des ans, s'incline, où l'homme sans projet, sans but, sans vision, sent qu'il n'est déjà plus qu'une tombe en ruine, où gisent ses vertus et ses illusions, quand notre âme en rêvant descend dans nos entrailles, comptant dans notre cœur, qu'enfin la glace atteint, comme on compte les morts sur un champ de bataille, chaque douleur tombée, et chaque songe éteint. Comme quelqu'un qui cherche en tenant une lampe, loin des objets réels, loin du monde rieur, elle arrive à pas lents, par une obscure rampe, jusqu'au fond désolé du gouffre intérieur. Et là, dans cette nuit qu'aucun rayon n'étoile, l'âme, en un repli sombre où tout semble finir, sent quelque chose encore palpiter sous un voile. C'est toi qui dors dans l'ombre, ô sacré souvenir !